بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الحديث 100، centième حديث. Et j'ai oublié, c'est un nouveau bab. L'auteur a mis comme un nouveau bab qui est bab al-jahr bi, tark al-jahr bi, bismillah ar-rahman ar-rahim, qui est le chapitre qu'il ne faut pas réciter à voix haute la basmala, le fait de dire bismillah ar-rahman ar-rahim. Et c'est une masala sur laquelle il y a eu beaucoup de khilaf. Et comme cela va apparaître, l'avis le plus juste, c'est celui qui va être cité là dans le hadith. C'est-à-dire que ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait lui-même, et les plus grands sahabas ont fait derrière lui. Car plus d'un imam, même parmi ceux qui voient qu'il est permis de prononcer la basmala à voix haute, tous disent qu'il n'y a rien d'authentique provenant du Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a fait cela. Mais on a des actes de certains sahabas qui l'ont fait. Donc la première parole suffit à dire que, comme il n'y a rien provenant du Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui l'a fait, alors on reste là-dessus. Ben, au contraire, tout ce qui vient du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il ne l'a pas fait. Donc, khaylu hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure des guidées, c'est celle de Muhammad. Yaqul an Anas bin Malik radiallahu anhum. An al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa Abu Bakr wa Umar radiallahu anhuma kanu yaftatahoun as-salabi alhamdulillahi rabbil alamin. Donc, selon Anas bin Malik, il dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr et Omar, lorsqu'il commençait la salat, il débutait par directement Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Fatiha. Wa fi riwaya, dans une version, Salaytu ma'a Abi Bakr wa Omar wa Othman, falam asma ahadan minhum yakrabi bismillahir rahmanir rahim. Et dans une version, il dit, j'ai fait la salat justement avec Abu Bakr et Omar et Othman, j'ai n'entendu aucun d'entre eux prononcer la basmala à voix haute. Les musulmans salaitu khalf an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman fa kanu yaftatahuna salabi alhamdulillahi rabbil alamin wa la yadhkuruna bismillahir rahmanir rahim fi awwal qira'a wa la fi akhiriha. Et dans une version chez Muslim, il dit que j'ai fait la salat derrière le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et derrière Abu Bakr et Omar et Uthman, et qu'il débutait directement la salat par alhamdulillahi rabbil alamin. Il ne disait pas la basmala ni en début ni en fin de salat. Plutôt en fin de la Fatiha, ou je ne sais pas, il a écrit Akhiriha. Al-Muhim, Yaqul, Fadilat al-Sheikh, Ibn al-Uthaymeen, Al-Rawi, Anas bin Malik. Wa sabakat tarjamatu fil hadith, fi hadith sabiq. Donc le rapporteur, c'est Anas bin Malik, Abu Hamza, qui était le servant du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dont on l'a déjà parlé auparavant. يقول موضوع الحديث لسجد الحديث بيان حكم الجهر بالبسملة في الصلاة. Qui maintenant ce hadith vient pour montrer le jugement de prononcer à voix haute la basmala, c'est le fait de dire bismillahir rahmanir rahim, de la prononcer à voix haute en début de salat lorsqu'on va réciter al-Fatiha. يقول في الشرح الإجمالي يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون قراءة الصلاة الجهرية بالحمد لله رب العالمين. Donc Anas nous informe qu'il a fait la salat derrière le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, derrière Abu Bakr, Omar, Othman, radiallahu anhum, et qu'il débutait directement la récitation de la salat à voix haute par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. لم يسمع أحد منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. Qui n'a entendu aucun d'entre eux prononcer la basmala à voix haute. لا في أول قراءة ولا في آخرها. وقوة كلامه هذا يعطي أنه كان في عصره من يجهر بها. Et c'est-à-dire qu'il ne récitait la basmala ni en début ni en fin de récitation. Et ce hadith-là, Anas le dit, ce qui laisse apparaître qu'à son époque, des gens faisaient le contraire, qui faisaient la basmala à voix haute. Donc c'est comme s'il avait voulu justement montrer quel était justement l'acte du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et celle des califes bien guidés, que ne le faisaient pas. Comme s'il voulait répondre à ceux qui le faisaient. Parmi ceux qui le faisaient, par exemple, il rapportait qu'Abu Huraira le faisait. Et d'autres sahabas le faisaient. Yaqul fi fawaid al-hadith. Mashru'iyati adam al-jahr bi basmala fi salat al-jahriya. Justement, qui montre la légitimité de ne pas prononcer la basmala à voix haute dans les salats qui sont à voix haute. Thaniyan, an al-basmala lisat min al-surah لا الفاتحة ولا غيرها ولا غيرها، إذ لو كانت من السورة لجهر بها حين يجهر بالسورة. Ce hadith montre également que la basmala n'est pas un verset de la sourate d'Al-Fatiha. Il n'y a aucune autre salat, sourate à part sourate An-Naml. Dans la sourate Al-Fourmi, il y a un verset, dedans il y a la basmala, c'est la seule. Il y a ijmar que c'est un verset de la sourate. En dehors de cela, le fait de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim n'est pas un verset du Coran en soi, que l'on prononce en début de chaque sourate. Selon la vue le plus authentique. Car sans quoi, on l'aurait prononcé avec le reste de la sourate pendant le Fatiha. Wa kada. Thalithan, anna al-mashru' iftitah qira'at salat bil-fatihati dun ghayriha min al-Qur'an. Et que ce qui est légiféré, c'est de débuter la salat en récitant al-Fatiha. D'accord ? Et non pas avec une autre sourate. C'est par ceci qu'on débute la salat. Salat al-Fatiha. Donc on a dit que la récitation est obligatoire. Pour celui qui fait à voix haute et celui qui fait à voix basse. Pour l'imam et pour le ma'moum, celui qui préside, tous doivent rester al-Fatiha. Wa'akada. Cependant, dans la salat à voix haute, elle n'est faite à voix haute que pour l'imam, bien évidemment. Alors que dans le salawat, les ma'moumoun, eux, la font à voix basse afin de ne pas déranger l'imam et de ne pas déranger les autres. Hadha allazi akhadhna min al-hadith al-yawm, walhamdulillahi rabbil alamin.